Mes yeux sont comme des fenêtres, mais je suis seul dans ma tête. Quand vous nagez dans la joie, quand vous pleurez devant moi, je comprends mal vos émois, les lois qui gèrent les passions. Pourtant je sais accueillir la beauté d'une émotion. Ils disent que je suis Asperger. Je viens peut-être de Jupiter. Mes regards dans le vide souvent vous intimident, mais c'est là que résident tous mes rêves d'argile. C'est un planétarium, le grand pays du silence. Je suis un métronome, suivez-vous mes cadences. Oh. Asperger. Je viens peut-être de Jupiter. Je connais tout sur l'espace, le jardin de l'infini. Préfère être seul dans la classe pour rêver d'astronomie. Je déteste le bruit, je ne comprends pas l'ironie. Je voudrais des amis, des rêveurs d'utopie. Oh, je suis un satellite, un poète en orbite. Oh, et de jour et de nuit, j'accepte qui je suis. Qui je suis. Que je suis Asperger. Je viens peut-être de Jupiter. Mes yeux sont comme des fenêtres, mais je suis seul dans ma tête. Mes regards dans le vide souvent vous intimident. Je connais tout sur l'espace, le jardin de l'infini. Je suis un métronome. Je suis un métronome. Je suis le métronome.